Jérémie chapitre 27. Au commencement du règne de Jéhojakim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée par l'Éternel à Jérémie, pour dire. Ainsi m'a dit l'Éternel, fais-toi des liens et des joues, et les mets sur ton cou, et les envoie au roi d'Édom, et au roi de Moab, et au roi des enfants de Ammon, et au roi de Tyr, et au roi de Sidon, par les mains des messagers qui doivent venir à Jérusalem vers Sédécia, roi de Juda. Et commande-leur de dire à leur maître, ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, vous direz ainsi à vos maîtres. J'ai fait la terre, les hommes, et les bêtes qui sont sur la terre, par ma grande force et par mon bras étendu, et je l'ai donné à qui bon m'a semblé. Et maintenant j'ai livré tous ces pays en la main de Nebuchadnetsar, roi de Babylone, mon serviteur, et même je lui ai donné les bêtes de la campagne, afin qu'elles lui soient asservies. Et toutes les nations lui seront asservies, et à son fils, et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays même vienne aussi, et que plusieurs nations et de grands rois la servissent. Et il arrivera que la nation et le royaume qui ne se sera pas soumis à Nebuchadnetsar, roi de Babylone, et qui n'aura pas soumis son cou au joug du roi de Babylone, je punirai cette nation-là, dit l'Éternel, par l'épée, et par la famine, et par la mortalité, jusqu'à ce que je les ai consumés par sa main. Vous donc, n'écoutez point vos prophètes, ni vos devins, ni vos songeurs, ni vos augures, ni vos magiciens, qui vous parlent, en disant, vous ne serez point asservis au roi de Babylone. Car il vous prophétise le mensonge pour vous faire aller loin de votre terre, afin que je vous en jette dehors, et que vous périssiez. Mais la nation qui soumettra son cou au joug du roi de Babylone, et qui se soumettra à lui, je la laisserai dans sa terre, dit l'Éternel, et elle la labourera, et y demeurera. Puis je parlai à Sédécia, roi de Juda, selon toutes ces paroles-là, en disant, soumettez votre cou au joug du roi de Babylone, et rendez-vous sujet à lui, et à son peuple, et vous vivrez. Pourquoi mourriez-vous, toi et ton peuple, par l'épée, et par la famine, et par la mortalité, selon que l'Éternel a parlé, touchant la nation qui ne se sera point soumise au roi de Babylone? N'écoutez donc point les paroles des prophètes qui vous parlent, en disant, vous ne serez point asservis au roi de Babylone. Car ils vous prophétisent le mensonge. Même je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel, et ils vous prophétisent faussement en mon nom, afin que je vous rejette, et que vous périssiez, vous et les prophètes qui vous prophétisent. Je parlais aussi aux sacrificateurs, et à tout le peuple, en disant, ainsi a dit l'Éternel, n'écoutez point les paroles de vos prophètes qui vous prophétisent, en disant, voici, les vaisseaux de la maison de l'Éternel, retourneront bientôt de Babylone. Car ils vous prophétisent le mensonge. Ne les écoutez donc point, rendez-vous sujet au roi de Babylone, et vous vivrez. Pourquoi cette ville serait-elle réduite en un désert? Et s'ils sont prophètes, et que la parole de l'Éternel soit en eux, qu'ils intercèdent maintenant envers l'Éternel des armées, afin que les vaisseaux qui sont restés dans la maison de l'Éternel, et dans la maison du roi de Juda, et à Jérusalem, n'aillent point à Babylone. Car ainsi a dit l'Éternel des armées, touchant les colonnes, et la mer, et les soubassements, et les autres vaisseaux qui sont restés en cette ville, lesquels Nebuchadnetsar, roi de Babylone, n'a point emporté, quand il a transporté de Jérusalem à Babylone Jechonia, fils de Jéhojakim, roi de Juda, et tous les magistrats de Juda, et de Jérusalem. L'Éternel, dis-je, des armées, le Dieu d'Israël, a dit ainsi, touchant les vaisseaux qui sont restés dans la maison de l'Éternel, et dans la maison du roi de Juda, et à Jérusalem. Ils seront emportés à Babylone, et ils y demeureront jusqu'au jour que je les visiterai, dit l'Éternel, puis je les ferai remonter, et les ferai revenir en ce lieu-ci.